Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu aimes le risque? Oui. Est-ce que tu aimes le business? No. Mais est-ce que tu aimes Tom Cruise? Oh yes. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Thank you, man. Does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Don't be funny. Don't be funny. Don't be the money. Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue sur Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Alors aujourd'hui, épisode 4, nous allons parler de Risky Business, sorti en 1983 de Paul Brickman. Alors première question, Serena, est-ce que tu avais vu déjà Risky Business et est-ce que tu as eu envie de le voir ou le revoir? Alors je n'avais pas vu, comme la plupart des films jusqu'à maintenant. Mais je connaissais la scène de la danse, que je pense que tout le monde connaît, qui a été reprise 1000 fois. Et j'avais très envie de le voir. Je l'ai même conseillé. Mais voilà. Et toi? Moi, je ne l'avais pas vu non plus. Donc là, voilà. Ça prouve bien qu'on n'est pas des vrais fans de Tom Cruise. On n'a rien vu pour l'instant. Et on n'est pas non plus des experts. Je crois que c'est sûr. Et j'avais envie de le voir, oui, parce que c'est quand même... important dans la carrière de Tom Cruise, parce que c'est le démarrage, hein, c'est là que tout part. Et voilà, je ne donnerai pas encore mon avis, parce que avant de donner notre avis, on va faire un petit résumé du film. Serena, vas-y, fais-nous rêver. On essaye de faire court, efficace. Allez, on va faire mieux que Outsider, où on a fait tout le film, je crois. Alors, on est à Chicago. On trouve Joel Goodson, qui est interprété par Tom Cruise. Et c'est un jeune riche américain qui se retrouve dans sa grande baraque sans ses parents pour quelques jours. Au début, il décide de faire une petite danse sympa et manger du plat non décongelé. Et après, il se retrouve à appeler une prostituée. Sous les conseils d'un ami. De Miles. Pour encore une fois perdre sa virginité. C'est un peu la thématique. C'est les années 80, c'est ça, c'est la virginité. Comme si les ados américains. Bon, bref. Et il se retrouve avec une jeune Lana, Rebecca de Mornay. Et ils ont une relation. Une relation tarifée. Elle vole de chez lui à un œuf en cristal. Ouais. Il la recherche désespérément parce que c'était l'œuf en cristal de sa mère et ça vaut énormément d'argent. Il la retrouve. Elle se prend la tête avec son proxénète, Guido, en italien, comme par hasard. Ça m'énerve. Bon. Et elle s'échappe avec lui. Et elle décide de vivre chez lui quelques jours, de squatter chez lui avec une copine à elle. Vicky, ouais. Et elle voit une possibilité de business. Parce qu'elle dit, ah, tous tes copains, ils sont jeunes, ils ont plein de thunes. Moi, mes copines, elles sont trop belles. On pourrait faire un business ensemble. Mais un business risqué un peu, peut-être. Oui. Titre très subtil. Et donc, il décide de... mettre en affaire. En tout cas, il devient le proxénète de Lana et de toutes ses copines. C'est ça. Il organise une grande fête chez lui parce qu'entre-temps, il a perdu sa Porsche, la Porsche de son père, pas la sienne. Donc, il doit la repayer. C'est plein d'argent. Donc, il décide de faire une soirée légendaire où tous ses copains, il vient et il couche avec les copines de Lana. Ils font plein d'argent, ils répaient ses dettes, ses parents, ils reviennent, ils sont tout contents. Tu vas jusqu'au fond, jusqu'au bout du film, très très vite. Ouais. Ouais, il y a... Non, vas-y, vas-y. J'essaie de faire un résumé, mais je ne suis pas très emballée, il faut le dire. Reste objective. Pour rester objectif, ce jeune garçon, il aspire à un futur dans une grande école. Mais ça n'a pas l'air gagné, il n'a pas les notes. Il n'a pas les notes, il veut rentrer à Princeton. Il a un rendez-vous avec le recruteur de Princeton, pendant la grande soirée, où il y a des prostituées partout et des jeunes garçons alcoolisés. Eh bien, figurez-vous qu'il arrive à voir son poste à Princeton. Quelle morale pour ce film, finalement. C'est ambigu. Ah là là là là là là. Alors, et petite note de la fin, il se fait un peu arnaquer par les filles. Sa mère quand elle vient, elle voit que l'œuf des cristal avait une fêlure, mais il s'en sort très bien en fait. Voilà. Oui, parce qu'il va à Princeton. Parce qu'il a fait plein d'études à une soirée. Mais il a tout perdu. Mais il a tout perdu, mais bon, il a fait quand même 8 000 $ à une nuit. Et il a gagné un esprit d'entrepreneur. C'est ça l'Amérique qu'on veut. C'est ça l'Amérique. C'est beau. Alors, bon, bah, du coup, on a résumé ça. On a été rapide, c'est bien. On va pouvoir maintenant déverser notre haine ou notre amour pour ce film. Alors, c'est rien. Non, pas trop. Allez, première pensée, là, comme ça. Là, tu peux être très, très subjective. C'est très compliqué, quoi. C'est assez horrible. Déjà, on est en plein capitalisme. Déjà, on voit dès le début. Tous les potes, ils ont une discussion entre potes en disant « Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie après les lycées ?» Oui, c'est « Tu veux gagner de l'argent ?» En fait, en gros, ça se résume par voilà, ça. Mais je comprends pas, si tu veux pas gagner de l'argent, c'est pas juste, c'est pas bien. Il faut pas... Non, parce qu'il dit « Moi, je veux travailler dans le social. » Oui, c'est ça. Oui, il dit « Je veux faire un truc qui compte pour les gens. » Et tout le monde rigole. En plus, c'est un truc qui sera repris à la fin où il dit « Maintenant, je veux faire des trucs pour les gens. » Alors qu'en fait, il veut faire des thunes. Quoi. C'est... Ouais, grave. Et tout le monde dit très ouvertement qu'ils veulent faire de la thune. Ouais. C'est après, tout. C'est une petite banlieue bourgeoise de Chicago. Quoi. C'est, oui, c'est bah, des banlieues friquées. Ils sont super riches. Lui-même, tu vois, il conduit la Porsche de son père. Quoi. Alors qu'il n'a pas le droit. Alors qu'il n'a pas les droits. Il devrait plutôt utiliser le break de sa mère. Mais bon, c'est moins bien pour choper des meufs. Par hasard, la mère, elle a la break, et le père, il a la Porsche. Bon, ouais. Et donc, très capitaliste. Ouais. C'est un peu la base. En fait, il s'en sort... Ils font toutes les pires choses. En fait, ils s'en sortent très bien dans leur vie. Quoi. Et oui, mais moi, c'est ça qui me gêne. Enfin, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent raconter avec ce film. Parce que c'est le passage à l'âge adulte, le côté le jeune qui a des ambitions, mais dans le système scolaire, a priori, c'est pas parfait. Donc, et au final, il faut qu'il filoute comme un filou. Ah, je pense que c'est vraiment la glorification du système capitaliste. Là, il n'y a pas trop de doutes. Il part d'argent dès le début. Lui, il est en train de faire un cours entrepreneur. C'est vrai, il est dans les clubs des entrepreneurs. Il essaie de vendre un produit et il n'arrive pas parce que son pote, il a une idée toute pourrie, qui a un cahier notes à mettre à côté du téléphone pour marquer les messages. Et que tu cliques sur un bouton et ça te fait une lumière pour te rappeler qu'il y a un message, ce qui est nul. C'est vraiment nul comme idée. Voilà, donc ils n'arrivent pas à faire des thunes. Et à la fin du film... Il se fait virer par ses clubs d'entrepreneurs, mais il dit, mais moi, la voix off, Tom Cruise dit, là, les entrepreneurs, ils ont fait $300 avec leurs produits. Oui, t'as toute la scène où ils refont chacun. Oui, moi, j'ai construit une tapette électrique et ça me rapporte 30 euros par objet, donc j'ai fait $300 ce mois-ci. Et Tom Cruise, il dit, et moi, j'ai fait $8 000 dans une nuit. Et ça, c'est la fin du film, donc ça explique bien... C'est quoi le message ? Après, en plus, on voit que son apprentissage du capitalisme n'est pas fini parce que il arrive à faire de l'argent, mais il se fait avoir par plus capitaliste que lui, par Guido, du coup, qui arrive à récupérer l'argent qui s'est fait en fait. Oui, c'est vrai, parce que Guido, pendant que Tom Cruise est en train de récupérer sa Porsche réparée, va dans l'appart et il lui vole tout. Ouais, parce avec l'aide des filles. Ben oui, parce que c'était Guido, donc c'est le proxénète des filles qui viennent faire la soirée chez Tom Cruise. Et lui, tu ne piques pas son business comme ça. Quoi. Ben non. Et donc, Tom Cruise est obligé de réacheter tout. Voilà, et puis après, histoire d'amour, mais... Bizarre, parce que ça démarre quand même par « je te donne $300 pour qu'on fasse l'amour ». Et puis, en fait, Et même après, ils sont amoureux, ils se disent copain-copine, mais en fait, lui, il devient son proxénète. Oui, c'est ça. Et il se fait de la thune sur tous les tafs qu'a fait elle. En fait, lui, il ne fait pas grand-chose. Il amène juste ses potes. C'est ça, il a le réseau. Il a le réseau, il a la baraque. Oui, voilà. Et après, elle fait tous les travaux. Elle est vraiment ménageuse. Oui, voilà. Ils ont un pote qui fait la compta dans le bureau. C'est vrai qu'il y a le geek de la situation. Il n'a pas des lunettes. Il n'a pas de lunettes. On progresse. On remarque qu'on est en 83 et on n'a plus de lunettes quand on est geek. Bah, tout à l'heure, on se disait vivement que la période des années 80 de Tom Cruise s'arrête, mais on est en 1983. Ah oui, puis là, c'est un long tunnel de... C'est compliqué. Alors moi, je me suis dit un truc. La dernière fois... Avec Lusinit, on se disait « Ah, ce serait cool de voir les films de Wendell, les petits jeunes capitalistes. » Et bien, je me dis « C'est ça !» C'est exactement la même chose. Je me suis dit « C'est la suite, ça y est, ils ont fait le film sur Wendell. » Juste, ils ont pris Tom Cruise pour le faire. Ouais. Et si tu penses, super jeune capitaliste, il a déjà eu des relations avec des prostituées, il a vu que c'était un business rentable. Ouais. Tom Cruise, risky business. C'est ça, en fait. C'est le spin-off. Ça y est, on l'a, on le voulait, on l'a. On est déçu, mais... Et, écoute, hein. Et alors du coup, le réalisateur Paul Brekman, c'est son premier film qu'il réalise. Il a écrit pas mal de scénarios. C'est son premier film qu'il réalise. C'est un carton dingue, parce que pour les chiffres, le budget du film, c'est 6,2 millions. Et ça en rapporte 63 millions. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. À l'époque, aux États-Unis, c'est une dinguerie, quoi. Et c'est culte pour plein de gens. Mais je comprends pas pourquoi. Et on n'est pas dans les années 80. On le regarde, on est en 2020. C'est, oui, c'est pas pareil, tu vois. Et du coup, Paul Brekman, il fait ce film. Tu te dis derrière, sa carrière, elle est tracée, quoi. Et en fait, il fait quasiment plus rien. Il était déçu de sa propre. Après, quand tu regardes le film factuellement, c'est hyper. Moi, j'arrive pas à comprendre parce qu'il navigue entre un truc un peu chelou, un peu contemporain avec des effets de style, des trucs un peu planants, un peu comédie parce que tu as des scènes qui sont un peu tournées comédie. Il essaie de faire un truc un peu dramatique parce que j'arrive pas à voir. En fait. C'est tout un mélange qui est assez incompréhensible. Ouais, c'est fou. C'est difficile à savoir ce qu'il a voulu faire en fait. Bah, peut-être que ça lui a fait péter un câble. Il a dit non, cinéma. J'arrête. J'ai déjà fait. Suffisamment de mal dans ce monde, ça. Ouais. Il s'arrête. Parce que à l'inverse, par contre, Tom Cruise, c'est parti, quoi. Là, c'est ça qui est fou. Ouais. À part la scène de la danse, que je trouve vraiment, qui est improvisé, c'est marrant. En plus. Qui est improvisé. Oui, il lui a juste dit, tu mets de la musique, t'es chez toi, tu danses. Et il a tout improvisé. Waouh, et voilà. Là, je retrouve Tom Cruise que et j'aime. Là, on sent que le cruisomètre, la note va remonter là un petit peu. Ah oui, un peu. Parce que cette danse-là, je la trouve vraiment trop cool. Mais bon, tout le reste, à partir de là, tu dis, mais pourquoi? Bah c'est, moralement, c'est compliqué. Hein. Ouais. On va dire, c'est pas nos valeurs. C'est pas nos valeurs. C'est pas des valeurs qu'on partage avec ce film. Non, pas trop. Moi, ça m'a fait penser à un truc. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai regardé ce film et je me disais, bon, est-ce que c'est très représentatif des années 80 ? Et en fait, le lendemain ou le surlendemain, j'écoutais un podcast sur Ronald Reagan. Ah. Un super podcast de Culture 2000. Petite recommandation en cours de route, c'est très, très bien ce qu'ils font. Et il parlait de Ronald Reagan et je me disais, ben voilà, c'est ça que je voulais savoir un peu pour comprendre. Effectivement, donc les années 80, c'est plein de périodes. Ronald Reagan, il est président de 80 à 88. Et lui, c'est le capitalisme gros sabot, quoi. Tout est libéré. Les impôts sont en baisse pour tous les riches. C'est vraiment... c'est le capitalisme tel qu'on le connaît, complètement dérégulé, vraiment le truc... c'est toute puissance. Et c'est le retour aussi du rêve américain, vraiment le truc... par contre, c'est chacun se fait soi-même. L'État ne doit plus rien avoir à faire. Il a une phrase qui est quand même un peu chaud quand même. Il dit « Dans cette période de crise, le gouvernement n'est pas la solution à nos problèmes, le gouvernement est le problème ». En gros, il faut se désengager de partout et démerdez-vous. Donc, du coup, tu as de la récession à fond. Les pauvres sont encore plus pauvres, les riches sont encore plus riches. Et c'est pareil que Thatcher. Enfin, c'est vraiment cette époque hyper chaud. Le mec, il est climato-sceptique. Donc, tout ce qui est pétrole, charbon, machin, on y retourne à fond. C'est compliqué quand même, un garçon comme ça. Ah ouais. Voilà. Bah, si tu penses, même dans ces films, pour Lana, donc Rebecca De Mornay, Elle, c'est une fille, tu comprends qu'à la maison, c'était pas très simple et tout. Et en fait, elle fait sa réussite sociale quelque part par la prostitution. C'est ça. Alors après, en plus, elle devient chef d'elle-même. Quoi. Ouais, quand il t'en parle, c'est des escortes. Hein. C'est pas des prostituées. Oui, c'est des call girls. Call girls, ouais, c'est ça. Voilà, pardon, c'est vraiment le truc un peu. Bon, la nuance est. Oui, après, elle couche quand même avec les. Oui, puis elle a quand même un proxénète, quelqu'un Mais bon. Donc ouais, du coup, tu vois le truc Ronald Reagan, et c'est vrai que y a beaucoup eu ce truc dans les années 80 que Tom Cruise c'était l'icône de l'époque Reagan, quoi. Ouais. Et là, clairement, tu vois Risky Business, tu comprends, parce qu'il incarne vraiment ce truc de, bon, je suis en échec scolaire, mais par contre, parce que je suis courageux, je peux le faire, quoi. Et je suis pas un assisté comme tous les autres, quoi. Oui. Parce que je suis malin avec mes propres forces. Bon, malin. Alors, en vrai, malin, c'est Lana qui fait tout et qui apporte tout sur un plateau, quoi. Oui, oui, oui. Ah là là là là là là, désespérant. Moi, je pensais aussi par rapport à maman, j'ai raté l'avion. Je sais que c'est... Ah, parce que la maison est vide, tu fais des rapports. Oui, okay. Parce que je me disais, comment on représente quelqu'un qui reste sans ses parents, tu vois. Je me dis, Tom Cruise, il se retrouve, pas Tom Cruise, mais Joel Goodson, se retrouve sans ses parents quelques jours. Il fait devenir un gros bordel chez lui, il détruit la bagnole de la maison, il ne sait pas se réchauffer un putain de repas, il ne sait rien faire. À la limite, il tourne le jardin. Mais bon. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il fait d'habitude. Parce que voilà, il est un peu forcé. Putain, Kevin, quand il est à la maison tout seul, il a 8 ans, il défend sa baraque voilà. Il crée un putain de champ de bataille. Il va s'acheter une brosse à dents au supermarché en disant « Est-ce qu'il est approuvé par les dentistes américains ?» Mais... En fait, t'as regardé Maman, j'ai raté l'avion à la place. Mais j'adore Maman, j'ai raté l'avion. Je l'ai regardé toute mon enfance. Après, il est un peu... nul, mais voilà, je me disais, mais quelle représentation des ados américains, c'est horrible, quoi. Ouais. Bah, du coup, on n'a qu'à faire ça. Allez, on va parler de Maman, j'ai raté l'avion, à la place de Risky Business, c'est beaucoup moins offensif. Plein de choses à dire. ok, bon, est-ce qu'on a t'as encore des trucs à dire sur le film ou est-ce qu'on se regarde un petit extrait? Allons-y au petit extrait, je pense. C'est parti. Bah, peut-être on explique juste là où on en est du film. Ah. On est au tout début, il est sorti avec cette fille, il y a une petite histoire. Il n'est pas sorti avec elle, hein. Je te rappelle qu'il l'a payé. Si, parce que, il l'a payé, mais après, ils ont commencé à fricoter. Ouais. Et elle, en gros, ils sont. En tout cas, ils vivent dans la même maison. Guido, il n'est plus là. Oui, parce qu'elle se cache de Guido avec sa copine Vicky. Donc, il sort avec elle et une copine à elle et un copain à lui. Ils font une soirée comme ça et elle dit « Ah, j'ai pensé peut-être que ça serait intéressant de faire les business. » Mais Joel n'est pas encore prêt à faire les business avec Lana. Et du coup, donc, ils sont au bord du lac Michigan et petite soirée, assis sur leur Porsche. Sur la Porsche. La fameuse. Allez, on écoute ça. Ils sont assis sur le capot. Juste pour rappel, avant, Lana a quand même, en prenant sa veste, débrayé le frein. Ouais. Très important. Mais parce que c'est une voiture automatique. Ah oui, en plus. Donc, elle a mis la marche à l'avant. Lana, elle s'en va. Tom, il est un peu deg. Elle dit Lana, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu t'en vas? Et la voiture glisse doucement. T'as fermé la porte! Oh non, il peut pas. La voiture, elle avance. On commence à voir les muscles de l'avant-bras, tout ça. Il se met devant. On voit les fesses. Il essaie désespérément de retenir la Porsche. Il est pas assez fort. Il peut pas, quoi. C'est la descente vers les pontons, quoi. Vers les lacs. C'est la plus belle cascade du film. Ouais. Là, on a vraiment choisi la Porsche. Il essaie de la tenir. Oh non! Il arrive à la fin du ponton. Oh. Okay, tout va bien. Ça s'est arrêté. Au bord du ponton. On est bien. Tout va bien. Il souffle un coup, quoi. Heureusement, son père, en plus, il lui avait dit touche pas à la Porsche. Donc, il s'arrive rien. Mais là, les lampadaires. Il essaie de descendre très doucement. Ouh là là là là là là, on est vraiment pas loin. Ah, ça va, ouais, ça va. Ah ouais, moi je suis pas confiant. Je crois moyen. Pas trop confiant, mais... Ok, tout va bien. Allez, on respire, c'est bon. Oh, merci, merci. C'est trop bien. Et là... Tout le ponton s'effondre, c'est vraiment c'est avec la planche dans les lacs. C'est que ça brille. J'adore t'en occuper. Donc il y a les copains qui arrivent pour dire qu'est-ce qui se passe et la voiture qui coule dans les lacs. Mais sûrement. Et Tom avec. La meilleure scène du film, après la danse. Après la danse, ouais. on a hésité à mettre la danse, mais tout le monde l'a déjà vu 20 000 fois, que cette magnifique scène de voiture qui coule. C'est trop bien. C'est trop bien, les suspens. Splash. Et ouais, tu vois, ça fait partie des trucs super chelous. Cette scène qui est un peu comique, tu vois, par rapport à d'autres, enfin, par rapport au global du film, ça arrive comme ça, un truc, après le moment un peu faussement dramatique où c'est où il parle, il se révèle, etc. Et là, tu as cette scène. Et après, on va repasser sur un truc dramatique. Enfin, tout est très décousu. Ouais. Mais c'est un peu l'excuse, parce que sinon, comment il aurait pu devenir... Oui, c'est ça. Le fait que la voiture, ils doivent la réparer, ça lui donne une excuse pour faire de l'argent. Quoi. Et donc, comme il ne sait pas comment faire de l'argent... Puisque c'est un truc de notes, ça ne va pas lui porter tant de ça. Tu as les trucs de messages du téléphone. Ah oui, message complètement oublié. Alors du coup, on va parler de... Maintenant qu'on a parlé du film, on va parler de Tom. Ouais. Alors, Tom Cruise, en tant que qu'acteur, qu'interprète de qualité... Oui. Qu'est-ce que t'as à en dire ? Bah, c'est compliqué. Ouais. J'ai tellement détesté les films. Ouais, j'ai du mal à séparer les choses. Mais après, je le trouvais bien. Bah, la danse. Oui, la danse, c'est voilà. Fou. On a dit. En plus, tu m'as dit que c'était de l'impro, donc top. Les restes. Ces lunettes de soleil, la clope, la veste. Moi, là. J'aime bien. Après, la bascule, en fait, entre je suis le petit garçon de bonne famille et je suis un gros businessman proxénète, elle est un peu brutale. Mais quand il le fait, tu sens qu'il s'amuse quand même parce qu'il met les lunettes, il fume les clopes. Quand il est avec le recruteur, c'est assez marrant parce que du coup, il y a le... Pardon, j'ai un petit rototo. Je couperai au montage. Quand il est pendant la fête, il est avec le recruteur et un petit peu panique, il avait oublié le truc, etc. Et puis finalement, c'est le bordel autour. Machin. Et puis il se dit, bah, non, maintenant j'assume, moi, je vais lui montrer que j'en ai, etc. Il met les lunettes, il lui fait le grand sourire, il allume une clope et il lui appelle une prostituée. Quoi. C'est le truc complètement dingue. Ça, c'est, il le joue bien. Il le joue bien. Pas mal, en fait, ce truc-là. Après, moi, je pensais vraiment qu'il allait jouer vraiment beaucoup mieux. C'est quand même, t'as des moments où il retourne sur les travers qu'on a vus avant je joue le coincé, donc je contracte tout. C'est poussif. Ouais. Mais c'est vrai que tous les passages, il essaie de convaincre les jeunes à aller chez lui. Et il essaie de les convaincre intellectuellement et de dire combien t'as dépensé pour ta copine. C'est horrible. C'est vrai. Les textes sont horribles. Il lui dit tu l'emmènes au ciné, ça coûte ça. Tu te gares, ça coûte ça. Tu achètes le popcorn. Attends. Ça vaut les mêmes prix. Ça vaut super cher que moi. Tu viens, tu donnes direct ton billet, c'est réglé. Quoi. C'est horrible. En plus, avec ta copine, t'es encore vierge. C'est horrible. Ah non, c'est vraiment. C'est une start-up de merde, en fait. Ouais. J'ai le produit pour que tu ailles 10 fois plus vite. Et lui, en fait, il fait rien. Quoi. Il fait rien. Mais il le joue bien. Il joue les mecs qui essaient de te convaincre. Non, et puis il a quand même une présence physique qui mine de rien. Enfin, on le dit depuis le début, depuis TAPS, on est sur un truc où tu le vois bien. Quoi. Il est quand même hyper présent. Oui, c'est vrai. Et ce ne sera pas toujours bien utilisé dans les prochains films. Je ne sais pas si on est d'accord. On verra sur les prochains. On va teaser, un petit peu. Attention, il y a un moment où on ne sera pas d'accord. Tu veux des petites anecdotes rigolotes ? Oui. Pour montrer quand même, il a une implication physique dans tous ses rôles. Et c'est que le début, tu vois. Ils lui ont fait faire un régime où il a fait gros régime pour perdre beaucoup de poids. Et après, ils l'ont nourri que de gras. du beurre, du sucre, etc. Pour qu'en fait, il devienne un petit peu gonflé et qu'il ait plus une tête d'ado. Parce qu'il a 21 ans à l'époque. Oh, c'est vrai. Donc voilà, astuce, si chez vous, vous voulez ressembler à un ado, faites un régime très très sec et après que du gras. Et comme ça, vous allez faire un petit peu gonflé. C'est vrai qu'il est un peu plus... il a la graisse mou d'ado. Mou de la joue. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est fou. Oh là là. Alors que tu vois le film d'après, donc All the Right Moves, on le revoit beaucoup plus sec et plus sportif, il fait plus son âge, quoi. Oui, mais il a quel âge quand il tourne ça ? Il a 21 ans. En fait, les deux sont tournés plus ou moins la même année. D'accord. C'est marrant. Ah, c'est marrant. Autre anecdote. Il se donne. Ah oui, il se donne toujours. Ah ouais, grave. Allez, une autre anecdote. Les Ray-Ban, parce que c'est quand même Ray-Ban et Tom Cruise. Attention. Les Ray-Ban, à l'époque, c'était le truc coulé. Clairement, Ray-Ban, ça marchait plus du tout, c'était pas vendu, etc. Et grâce à Risky Business, et encore plus grâce à Top Gun, là, c'est reparti. Parce que là, c'est Ray-Ban, le modèle de Ray-Ban, ça a commencé à se revendre après Risky Business. T'as un film qui fait 60 millions au box-office, tout le monde le voit, c'est un film culte, les Ray-Ban, c'est reparti. Mais d'ailleurs, je me disais, c'est vraiment l'époque où les publicités dans les films ne sont pas très subtiles. Non. Il y a vraiment les slogans dans les films. Ouais, les moments de la Porsche, à un moment, il fait vraiment le slogan. Il dit le slogan, ouais. C'est trop drôle. Il y a les coca en plein écran. La canette est comme par hasard toujours bien positionnée. Et les Ray-Ban, ouais. Et du coup, alors, voilà, par rapport à notre travail à long terme d'expliquer pourquoi Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood, Tom Cruise, grâce à lui, Ray-Ban est redressé. Quoi. C'est ouf. C'est fou, hein. Ah ouais. Alors qu'il a encore 20 ans. Il est encore personne, quelque il part. Il n'est personne, mais il a déjà sauvé une boîte. Allez, on va faire un compte. Il a la première boîte qu'il sauve. Je pense qu'il y en a pas mal là, qu'il a sauvé. Ah ouais, trop bien. Alors, trop bien, je sais pas. Mais... Bah, si, pour oui, ce qu'on pour veut Tom, défendre, oui. C'est important. Et pour Ray-Ban, bah, voilà. Bravo. Merci Tom. Quand Paul Brickman l'a casté, au début, il voulait pas de Tom Cruise parce qu'il avait vu Taps, hein, dont on a parlé, ouais, et il disait non, non, non, ce mec, il peut pas faire le nice guy, c'est un tueur. Ah ouais. Et, ouais. Et tu vois, c'est ce qu'on disait le premier épisode. On disait, mais comment il est trop bien en méchant. Il est trop bien en méchant. Paul Brickman est d'accord avec nous. Ouais. Après, finalement, il fait les essais. Et, Tom Cruise va faire les essais parce qu'il y a Rebecca de Mornay qui est déjà castée. Et il veut absolument jouer avec elle parce qu'elle est trop belle, parce que machin, nanana. Elle est vraiment trop belle. Vraiment mais... très, très belle. Voilà. Et en fait, l'alchimie entre les deux sur le casting en commun marche super bien. Donc, Paul Brickman dit « Ok, allez, on y va ». Mais c'est vrai que j'avais entendu une histoire comme quoi les RH du casting, c'était un peu le mythique par rapport à Tom et Rebecca. Bah oui, parce que, anecdote suivante. Ah, c'est bien, merci Paula. Oh, ben là, je ne vais pas me dévoir. Je rince tout Internet. Vas-y. Donc, parce que là, on va commencer la belle période où on va pouvoir parler de avec qui couche Tom Cruise. Et Tom Cruise, il est sorti avec Rebecca de Mornay. Non, c'est... Il a commencé pendant le tournage. Et ça a duré 2 ans. En vrai. Et le truc, c'est que Rebecca de Mornay, elle avait un mec à l'époque qui traînait de temps en temps sur le tournage. Oh non, ouais. Et il ne savait pas, lui? Bah, faut croire que non. Oh non, quelle horreur. Oh, quand même. Oh, merde. Non, Rebecca aussi, merde. Et sur le tournage, oh, petite anecdote qui ne sert à rien. Pendant le tournage, de temps en temps, il y avait Sean Penn qui venait. Ah bon, pourquoi faire? Ils étaient potes avec Tom Cruise. Bah oui, parce qu'ils ont fait Taps ensemble. Voilà. Non, c'est mais fou. C'est ouf. Et Paul Beckman, il n'a pas vu le Zénith. Eh bien, je ne lui souhaite pas. On rappelle que personne ne doit regarder le Zénith. Jamais. Et là, je vais arriver sur une autre anecdote un peu plus bizarre et qui va me permettre de te poser une question qui, moi, me turlupine, me taraude. Oh, j'ai peur, merde. Ouais, tu tapes. Depuis tout à l'heure, je te tease une question horrible. Vas-y. Tous les gens, les jeunes qui ont joué dans ce film, qui ont été interviewés, à chaque fois, on leur demande comment c'est tourner avec Tom Cruise, etc. Et quasiment tous, ils te répondent il est boring, il est ennuyeux. Ah bon ? Tom Cruise est ennuyeux. Rebecca de Mornay, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'il est ennuyeux, ce mec. Tous, en gros, ils disent, ouais, il n'est pas drôle, il n'est pas... Il t'appelle que par le nom de ton personnage, il fait pas la fête avec toi, etc. Et... Ah. Il est ennuyeux. Du coup, c'est quoi ta question? Ma question, c'est est-il ennuyeux? Est-ce que toi, si tu avais rencontré l'homme Tom Cruise à l'époque, tu te serais, tu aurais eu un coup de cœur, un truc, tu te serais dit, ou alors tu aurais fait pareil, tu aurais dit, bon, qu'est-ce qui dégage pour toi à cette époque? C'est pas facile parce que je sais pas du tout. Voilà. Et il nous reste encore 20 minutes, 2 heures d'enregistrement. Non, mais je me dis, attends, il est ennuyeux parce qu'il fait pas la fête avec les autres, il travaille à bloc. A priori, ou... c'est dans le rapport. J'ai une autre anecdote, mais qui est absolument horrible. Ah ouais. C'est que notamment, ils avaient demandé, ils voulaient faire la fête après le tournage, et ils lui ont dit, ouais, ce soir, on va boire des coups. Et il a dit, non, moi, tu sais, le soir, je rentre à l'hôtel et j'aime bien, avant de me coucher, avoir le temps de relire mon script et lire la Bible et être en forme le lendemain. Bon, ok. Voilà, donc les gars, ils sont dégoûtés, donc ils disent qu'il est ennuyeux. Ils vont faire la fête et le lendemain matin, il vient le chercher et il arrive devant sa chambre d'hôtel et il y a plein de filles qui font la queue devant la chambre d'hôtel. T'es en train de voir le truc arriver. Et il frappe à la porte, Tom ouvre, une fille sort, il discute, une fille rentre, il referme la porte. Et du coup, le mec se dit, ah oui, d'accord, il étudie la Bible. Je fais des guillemets avec mes doigts. Mais non, mais sérieux, mais c'est vrai? Ouais. Bah non, c'est vrai. Attends, c'est les anecdotes un peu ouais, cramées, machin. Ouais, tu sais pas où tu les as chopées, parce que c'est quand même... Mais après, tu vois, tu recoupes tout ce truc-là, tu sais pas. Donc... Parce qu'à l'époque, en plus, avoir risky business, il était pas si... connu que ça, quoi. D'avoir carrément au fil des filles. Je sais pas, tu vois. Et après, les autres anecdotes qui rajoutent au fait qu'il n'était pas en super rapport avec tout le monde, c'est qu'apparemment, il mettait une ambiance un peu merdique parce qu'il faisait tout le temps des réflexions sur l'homosexualité. En gros, tout le temps, mais il n'y a pas de gay ici, on est bien, enfin, très, très homophobe. Ah, merde. Et ça va être un truc qui va aussi nous suivre parce que tout le long de sa carrière, il y a quand même cette espèce de fausse rumeur un peu merdique de dire est-ce qu'en fait il n'est pas homosexuel, machin. Toute la sexualité de Tom Cruise, c'est un fantasme permanent pour les tabloïds. Et là, du coup, t'en as qui témoignaient, qui disaient que c'était toujours bizarre d'être avec lui parce qu'il faisait toujours des réflexions sur ça et avec des réflexions très très homophobes, quoi. Est-ce qu'on s'est raté? Il faut qu'on arrête les podcasts. Donc du coup, est-ce qu'à l'époque, tu l'aurais fréquenté? Je ne sais pas, je ne pense pas. Bah, déjà, après, qu'ils disent qu'il était ennuyant, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire ennuyant. Si c'est juste qu'il a fun, trop quoi. Envie de travailler et qu'il n'a pas trop envie de faire la fête, oui, bon. Des fois, quand tu travailles, tu travailles. Ouais. Mais c'est compliqué. Ouais. Après, s'il faisait des blagues homophobes, c'est réel ou quoi? Ouais, un peu, ouais. Ouais. Très relou. Bah, j'imagine qu'il devait pas être super simple à vivre. Mais même maintenant, je sais pas si je voudrais trop être sa copine. Quoi. je sais pas. Ah, mais après, ça fait partie aussi de pourquoi on a fait ce podcast. Ouais. C'est cette espèce de truc mythique où tu sais jamais le vrai du faux, tu connais pas grand-chose, tu connais que des rumeurs, il s'exprime peu. Fascinant comme personnage. Ah, oui. C'est en ça que pour nous, c'est ça, c'est la dernière star, parce qu'il n'y en a plus depuis comme lui qui sont aussi bizarres et impalpables. Et en plus, je me disais, avec tous les MeToo et tous les gens qui sont tombés dans le milieu du cinéma... Je me serais attendu que Tom, peut-être, il lui arrivait aussi, tu vois. Et en fait, pas du tout. Pour l'instant. Merde, alors, Inch'Allah. On est sur un nouveau truc. Est-ce qu'il aura un Oscar avant d'avoir un MeToo? Je pense que dans les trucs dans l'espace, il peut avoir un Oscar. T'as toujours ce truc-là. Moi, je suis convaincue de ça. Je ne sais plus si on l'avait dit, mais voilà. Serena est persuadée que le prochain film de Tom Cruise, qu'aura lieu dans l'espace, il aura un Oscar pour ça. Et en plus, je suis persuadée qu'il va faire un gros fac, comme il l'a fait dans Taps au tout début, et il va le faire de l'espace. Classe. J'ai trop envie de voir ce film. Ça serait trop bien. Bon, petit point Oscar du coup. Ah. Est-ce que parce que jusqu'ici il y a toujours quelqu'un autour de lui qui a un Oscar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait un Oscar autour de lui? Et pas encore. Mais si, c'est le producteur. Le producteur, oui, tout à fait. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Il s'appelle Steve Tisch, qui a eu un Oscar avec Forrest Gump. Oh. Ouais. Mais du coup, c'est après Forrest Gump. Oui, c'est après. Mais bon. Non, mais c'est que dans chaque film de Tom Cruise, on trouve quelqu'un qui, avant ou après, aura un Oscar. Ouais, ouais. On va faire une rubrique Oscar. Parce que là, la rubrique Oscar. C'est trop amusant, trop croustillant. Voilà. Voilà. Pour un petit point Oscar. Petit point Oscar rapidou. Rapidou. On n'en a pas trouvé d'autres. Hein. Enfin, moi, j'ai pas, non, moi non plus. J'ai pas trouvé, j'ai cherché, même la musique, tout ça. T'en as pensé quoi de la musique ? Bon, pas mal. Ouais. Bah, après, le truc. Oui, mais ça, c'est. Ça, c'est mais là, je parlais de la bande-son, quoi. Vraiment, le. En général. C'est Tangerine Dream, qui était apparemment un groupe d'électro-allemand très connu aux États-Unis à l'époque. Je n'ai pas trop tilté dessus en me disant ouais, c'est génial. Mais ça ne m'a pas du plu. Ah, oui, j'étais oui, tellement y de... déconcentré par le reste. Bref. Bah, du coup, puisqu'on en est là, on a fait un peu le tour, on va se faire un petit cruisomètre. Oui. C'est l'heure du cruisomètre. Alors, le cruisomètre, c'est quoi ? Le cruisomètre, c'est toujours un peu le même principe flou. On sort de la séance, on vient de voir le film et on va mettre une note sur 100 à Tom Cruise. Alors, à la fois sa prestation, l'héritage qu'il y a de ce film, etc. C'est une petite ambiance globale. C'est vrai là ? Je ne sais pas, c'est hyper compliqué. Compliqué hein. Ah ouais, c'est hyper compliqué. Je me disais que je mettrais un 20%. Ouf, 20%. Mais pour la danse. Ah ouais, que pour la danse, 20%. Bah, je la trouve vraiment trop bien. Ouais. Tout le monde l'a reprise. Ça a donné des super reprises dans plein de séries trop bien, ouais. Notamment dans Scrubs. C'est le top. Moi-même, j'ai repris cette danse avec ma copine quand on habitait à Venise et on s'emmerdait. Il n'y avait pas nos colocs. Elle a fait « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Donc, il mérite bien 20%. Ah, mais tu sais que tu as mis 20% à The Outsiders, où il ne fait que deux saltos. Hein. Bah, il fait quand même deux saltos. Ouais, mais là, il fait une danse plus un film hein, quand même. Oui, mais si j'étais sa mère, je regarde ça, je fais « Ah non !» Pourquoi ? Après Losing It, déjà, c'était déjà mal. Losing It, c'était et en plus, tu vas dans les mêmes trucs. Ouais. Hey, il n'a pas appris. Bon, après, elle est devenue une grande star grâce à ses films. Mais... Ça. Ouais, c'est un peu ça mon problème. C'est que Cruisomètre, je ne me vois pas mettre moins de 50% à cause de ça. Et du fait que eh ben, ce film-là, mine de rien, c'est ce qui lance tout. Et qu'il est bon dedans. Et qu'en fait, s'il ne fait pas ça à ce moment-là, il n'y a pas le reste. Quoi. Et en même temps, je n'ai pas envie d'aller trop haut. Peut-être que oui. Peut-être qu'il aurait fait de super méchants grâce à Taps. Ouais, mais tu sais, les méchants, ça vend moins. Tu ne fais pas une énorme carrière en tant que méchant. Et mais tu ne fais que tout le temps le rôle de méchant. Ouais, je ne sais pas. Tu as des doutes. Ouais. Du coup, je... Tu mets 50, du coup. Je suis obligé de mettre au moins 50. Et du coup, j'ai déjà mis 50 à Taps. Et donc, je vais mettre 50... What 50... Plus que Taps. Oui. Mais... Ah non. Après, je préfère largement la performance dans Taps, où je trouve ça fantastique. Mais là, ce film-là, il est trop important. Enfin, c'est tout qui décolle. D'accord. C'est trop, trop important. C'est les lunettes, c'est le sourire, c'est tout. Quoi. Donc, je vais mettre, 51%. C'est le 50% parce que ça te fait décoller sa carrière et 1% pour la danse. Aïe. Ah non, 52. Un deuxième pourcent pour le coup de la Porsche. Qui est quand même drôle. Qui est quand même drôle. Voilà. Ah ouais, alors, donc, Serena, 20%. Oui. Et pour moi, 52%. Ouais. Aïe, ça commence à diverger. Ça va diverger sévère. Ouais. Et puis alors là, sans vous spoiler la suite, mais ça va diverger. Sévère. Des petites notes, parce que Rotten Tomatoes, alors, c'est combien ça fait ? Non. 92%. Énorme, c'est quoi cultissime, les gens sont à fond. Même c'est les critiques, non Oui, c'est plus. Les critiques. Les spectateurs sur Allociné mettent 3,1 sur 5. Ah, je comprends. Mais après, tu lis les commentaires, les gens ils sont trop fans. Genre, en fait, les gens dans les commentaires d'Allociné, ils adorent le côté c'est l'Amérique de Reagan, quoi. Ouais, c'est la fête. Ça fait des souvenirs. C'est horrible, cette espèce de nostalgie des années 80 un peu toxique. Glock. Quoi, parce que ouais, toxique. C'est quand même. Pas bien de glorifier une période où c'était... C'est vrai. Bah. Mais les critiques aussi. Et les critiques, ils ont adoré ce film. Mais dans pourquoi il y en a, c'était dans la forme, c'est hyper novateur, alors que c'est bordel. Enfin, moi, je trouve que c'est bordel. Après, on n'est pas experts. Hein. On n'est pas experts, on rappelle, mais pour moi, c'est le bordel. Hein. Ouais. Et puis même dans ce que ça raconte, c'est les coming of age, l'arrivée à l'âge adulte, etc., l'accomplissement, enfin, c'est très bizarre. En plus, il accède à l'université, disons que c'est ça son plus grand accomplissement que dès le début il veut. Ouais. Mais c'est même pas grâce à lui, quoi. C'est grâce à son fille qui est trop jolie et qu'elle couche avec les recruteurs. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il a appris? Comment il a fait pour devenir adulte? Je ne sais pas, je suis très embêté. Bon, bref. Ok. D'accord. Bon. Déception voilà, de Rotten Tomatoes. C'est comme ça. Du coup, on a déjà bien parlé d'un peu de tout. Là, ça fait un petit moment. On s'arrête. T'as des conseils, toi? Moi, j'allais te demander une recommandation parce que j'ai toujours pas trouvé la mienne. Donc, t'as pas trouvé? Non, dis-moi la tienne. Alors, moi, je me disais, puisque la dernière fois, j'ai conseillé Breakfast Club. Oui. Et puis, j'ai trop regretté parce que j'ai écouté une émission, un podcast qui s'appelle The Bechdelcast. Ouais. Tu connais? Ouais. C'est trop bien. Ouais. Bon, si quand vous comprenez l'anglais, écoutez-la, c'est génial. En fait, il démonte tout ça. Ouais. Et je n'avais pas un si bon souvenir que ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que tout ce qui se passait dans les années 80, si tu ne l'as pas vu pendant les années 80, tu ne peux pas comprendre que... Enfin, c'est trop rétrograde, c'est horrible. Oui. Et du coup, je voulais conseiller l'épisode sur « Maman, j'ai raté l'avion ». Home Alone. Et il est assez bien et c'est trop génial ce qu'elles disent. Voilà. Oh, bah joli. Bah, moi, je n'ai toujours pas de recommandation. Ah, bah voilà. Non, vraiment, ça m'a mis sec, complet. À part le podcast que j'ai écouté sur Ronald Reagan. Ah, bah oui, voilà, je ne peux pas faire mieux, je crois. Aujourd'hui, conseil podcast. Ouais, c'est cool. C'est bien. On va se retrouver du coup dans 2 semaines pour parler de All the Right Moves. En français, ça s'appelle L'esprit d'équipe. Ah oui, on n'a pas dit Risky Business, le titre canadien, enfin québécois, ça s'appelle Quelle affaire ? Point d'exclamation. C'est naze. Oh non. Ouais. Business. Bon. Donc oui, dans 2 semaines, on se retrouve pour parler de All the Right Moves, l'esprit d'équipe, comme ça vous avez 2 semaines pour le regarder. Si vous sentez l'urgence. Moi, celui-là, je me dis, pouvez le regarder. C'est les années 80, toujours. Hein. Toutes les années 80, il faut revoir tout à la baisse. Hein. Faut pas s'attendre à des trucs de fou. Et voilà. Alors vous pouvez du coup, si ça vous a plu, vous en parler à tous les gens autour de vous. Vous dites que c'est génial, que c'est trop cool. Vous nous envoyez des petits messages. Oui, s'il vous plaît. Vous mettez des petites notes, des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, sur Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast, tout ce qui ressemble à un podcast, normalement vous trouvez, vous tapez Cruise Control et vous voyez notre petite pochette rose. Oui. Et c'est nous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter et sur Instagram avec le @cruzometer tout attaché, donc cruzometer. Et vous pouvez aussi aller sur le site internet où vous retrouvez toute la liste de tous les épisodes. C'est cruzcontrol.card.co. cruzcontrol.card.co. Voilà, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez des petits messages, vous dites c'est bien, vous dites c'est pas vous bien. Vous écrivez sur la boîte mail. Vous écrivez sur la boîte mail, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, nous on est là, on est très contents. Puis si vous n'avez pas aimé, vous écoutez d'autres trucs. Il y a plein de trucs super bien à faire à la place. Vous désabonnez et puis tant pis. Peut-être qu'il y a vous revenez plus tard. Peut-être qu'il y a un moment quand on revenez dans les années 2000. C'est trop bien. Laissez-nous faire ce tunnel tout seul. Voilà. Tu as autre chose à rajouter? Non. Une petite actualité à dire? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? J'en sais rien. T'as pas une voiture à vendre? Non, j'ai pas un Porsche. T'as encore une vieille brique. Mais je cherche un œuf à cristal, si vous en avez. Mais pas cher. Pas cher. Voilà. Du coup, on va se laisser avec petite musique de fond. Je sais même plus ce que j'ai dit. Ah oui, si. Ah oui, jolie musique d'ailleurs. Prince. Oui. Prince, c'est la fête. Yeah. Et on vous dit à dans 2 semaines. On vous fait des bisous. À la prochaine. Ciao.